Bah, t'as qu'à dire que je suis ta sœur. Bravo, Mickey. C'est comme si, hein, d'ailleurs, hein, depuis le temps. Ça fait 6 ans qu'on est frère et soeur. Maintenant, t'es pour moi des fleurs. Le Satriano, ouais. Je vais le dire à ma mère. Combien? Moins 10? Oh putain, t'es trop gelé. Va foutre ta main dans le four. Oh, merde. Lol, Mickey. Next. Ok, I'm gonna change. Okay, j'ai dit quoi? Qu'est-ce que j'ai dit? J'ai dit un roman? Roman? Moi? J'ai dit un roman, moi? Je suis pas un roman, moi. Ça veut dire scheisse. Qu'est-ce que ça ferait pas pour des fleurs? Bah ouais, écoute, personne m'en envoie. Ouh! Pas bien.